Premier livre des Chroniques, chapitre 2. Ce sont ici les enfants d'Israël, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Les enfants de Judas furent, et, Onan, et Séla. Ces trois lui naquirent de la fille de Sua, cananéenne, mais le premier-né de Judas fut méchant devant l'Éternel, et il le fit mourir. Et Tamar, sa belle-fille, lui enfanta Phareh et Zara. Tous les enfants de Judas furent cinq. Les enfants de Phareh, Hetsron, et Amul. Et les enfants de Zara furent, Zari, Etan, Eman, Kalkol et Dara, cinq en tout. Car il n'eut point de fils cachard qui troubla Israël, et qui pécha en prenant de l'interdit. Et Etan n'eut point de fils qu'Azaria. Et les enfants qui naquirent à Hetsron furent Jéraméel, Ram, et Selubaï. Et Ram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Naasson, chef des enfants de Juda. Et Naasson engendra Salma, et Salma engendra Boz. Et Boz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra son premier-né Eliab, le second Abinadab, le troisième Sima. Le quatrième Nathanaël, le cinquième Radaï, le sixième Otsan, et le septième, David. Et Tseruya et Abigaïl furent leurs sœurs. Tseruya eut trois fils, Abisaï, Joab, et Azaël. Et Abigaïl enfanta Amasa, dont le père fut jeté Ismaélite. Or Caleb fils d'Hetsron eut des enfants d'Azuba sa femme, et aussi de Jériot, et ses enfants furent, Jézé, Sobob, et Ardon. Et Azuba mourut, et Caleb prit la femme Ephra, qui lui enfanta Hur. Et Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsaléel. Après cela Hetsron vint vers la fille de Makir père de Galaa, et la prit pour sa femme, étant âgée de 60 ans, et elle lui enfanta Ségub. Et Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes au pays de Galaa, et il prit sur Gézur et sur Aram les bourgades de Jaïr, et Kenath avec les villes de son ressort, qui sont 60 villes, tous ceux-là furent enfants de Makir père de Galaa. Et après la mort d'Hetsron, lorsque Caleb vint vers Ephra, la femme d'Hetsron Abija lui enfanta sur père de Tekoa. Et les enfants de Jéraméel premier-né d'Hetsron furent, Ram son fils aîné, Pubuna, et Oran, et Otsem, né d'Achija. Jéraméel eut aussi une autre femme, nommée Atara, qui fut mère de Naam. Et les enfants de Ram premier-né de Jéraméel furent, Maa, Jamin, et Eke. Et les enfants de Naam furent, Samaï, et Jada, et les enfants de Samaï furent, Nadab, et Abizur. Le nom de la femme d'Abizur fut Abihail, qui lui enfanta Hacham, et Moli. Et les enfants de Nadab furent, Seled, et Apajim, mais Seled mourut sans enfant. Et Apajim n'eut point de fils que Jizéi, et Jizéi n'eut point de fils que Sézan, et Sézan n'eut Kalaï. Et les enfants de Jada, frère de Samaï, furent Jété, et Jonathan, mais Jété mourut sans enfant. Et les enfants de Jonathan furent, Pélet, et Zara, ce furent là les enfants de Jéraméel. Et Sézan n'eut point de fils, mais des filles, or il avait un serviteur égyptien, nommé Jara, et Sézan donna sa fille pour femme à Jara son serviteur, et elle lui enfanta Ataï. Et Ataï engendra Nathan, et Nathan engendra Zaba, et Zaba engendra Ephlal, et Ephlal engendra Obed, et Obed engendra Jéhu, et Jéhu engendra Azaria, et Azaria engendra Élé, et Élé engendra Élaza, et Élaza engendra Sismaï, et Sismaï engendra Salom, et Salom engendra Jécamia, et Jécamia engendra Elisama. Les enfants de Caleb, frère de Jéraméel, furent, mais à son premier-né, celui-ci est le père de Ziph, et les enfants de Maréza père d'Hébron. Et les enfants d'Hébron furent Cora, Tapua, Rekem et Séma. Et Séma engendra Ram, père de Joachim, et Rekem engendra Samaï. Le fils de Samaï fut Mahon, et Mahon fut père de Betsur. Et Epha concubine de Caleb, enfanta Aran, Motsé et Gazé, Aran aussi engendra Gazé. Et les enfants de Jadaï furent Regem, Jotam, Gézan, Pelé, Epha, et Saaf. Et Maaka, la concubine de Caleb, enfanta Sébé, et Tirana. Et la femme de Saaf, père de Madmana, enfanta Séma, père de Magbéna, et le père de Giba, et la fille de Caleb fut Taxa. Ceux-ci furent les enfants de Caleb, fils de Hur, premier-né d'Ephra, Sobal, père de Kirjath-Jéarim. Salma père de Bethléem, Aref père de Beth-Gadé. Et Sobal père de Kirjath-Jéarim eut des enfants, Aroé, et Hatsimenuot. Et les familles de Kirjath-Jéarim furent les Jitriens, les Putiens, les Sumatiens, et les Misraïens, dont sont sortis les Tsaratiens, et les Estaoliens. Les enfants de Salma, Bethléem, et les Netophatiens, Atroth, Beth-Joab, Hatsimenuot, et les Tsoriens. Et les familles des scribes, qui habitaient à Jabès, Tiratiens, Simatiens, Sushatiens, ce sont les Kéniens, qui sont sortis de Hamath père de Réchab.